Chapitre 1. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. J'adresse mes salutations à l'ensemble du peuple de Dieu, dispersé dans le monde entier. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la patience. Mais veillez à ce que votre patience se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits et complets, qu'il ne vous manque rien. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse de tous côtés. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans toute sa conduite. Que le frère pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève, et le frère riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, le riche passera comme la fleur d'une plante sauvage. Le soleil se lève avec sa chaleur brûlante et dessèche la plante. Sa fleur tombe et sa beauté disparaît. De même, le riche disparaîtra au milieu de ses activités. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la vie, prix que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Quand quelqu'un est tenté, il ne doit pas dire « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais un homme est tenté quand il est attiré et pris au piège par son propre mauvais désir. Ensuite, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il donne naissance à la mort. Ne vous y trompez pas, mes chers frères. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent du ciel. Ils descendent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Dieu ne change pas et ne produit pas d'obscurité par des variations de position. De sa propre volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ses créatures. Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères, chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. Car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et toute activité mauvaise. Acceptez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle peut vous sauver. N'allez pas vous tromper vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Au contraire, mettez-la en pratique, car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous donne la liberté et s'y attache fidèlement, qui ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais qui la met en pratique, celui-là sera béni par Dieu dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne vaut rien. Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leurs souffrances et se garder de toute tâche produite par la mauvaise influence du monde. Chapitre 2. Mes frères, vous qui vivez dans la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, vous ne devez pas en même temps agir différemment selon les personnes. Supposez ceci. Un homme riche portant un anneau d'or et un habit magnifique entre dans votre assemblée. Un pauvre homme avec un habit usé y entre aussi. Si vous manifestez un respect particulier pour l'homme bien habillé et que vous lui dites « Veuillez vous asseoir ici, à cette place d'honneur », mais que vous dites au pauvre « Toi, reste debout ou assieds-toi là, par terre, à mes pieds », vous faites alors des distinctions entre vous et vous portez des jugements inspirés par de mauvaises raisons. Écoutez, mes chers frères, Dieu a choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et reçoivent le royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Mais vous, vous méprisez le pauvre. Ceux qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux, ce sont les riches, n'est-ce pas? Ce sont eux qui disent du mal de ce beau nom que Dieu vous a donné. Certes, vous faites bien si vous accomplissez la loi du royaume telle que l'Écriture la présente. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez différemment selon les personnes, vous commettez un péché, et la loi vous condamne parce que vous lui désobéissez. Car si quelqu'un désobéit à un seul des commandements de la loi, il se rend coupable à l'égard de tous. En effet, celui-là même qui a dit « ne commets pas d'adultère » a dit aussi « ne tue pas ». Par conséquent, si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commets un meurtre, tu désobéis à la loi. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés par la loi qui nous donne la liberté. Car Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas eu pitié des autres. Mais la pitié triomphe du jugement. Mes frères, à quoi cela sert-il qu'un homme dise « j'ai la foi » s'il ne le prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur ait besoin de vêtements et n'ait pas assez à manger. À quoi cela sert-il que vous leur disiez « au revoir, portez-vous bien, chauffez-vous et nourrissez-vous suffisamment » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi. À elle seule, si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est morte. Mais si quelqu'un dit « tu as la foi et moi j'ai les actes », alors je lui répondrai « montre-moi comment ta foi peut exister sans actes et moi je te montrerai ma foi par mes actes ». Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent de peur. Homme insensé, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile? Comment Abraham, notre ancêtre, a-t-il été reconnu juste par Dieu? À cause de ses actes, quand il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et sa foi a été rendue parfaite à cause des actes qui l'accompagnaient. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare. Abraham crut en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et Dieu l'appela son ami. Vous le voyez donc, l'homme est reconnu juste par Dieu à cause des actes qu'il accomplit et pas uniquement à cause de la foi qu'il a. Il en fut de même pour Rahab, la prostituée. Elle fut reconnue juste par Dieu à cause de ses actes, elle qui avait accueilli les messagers juifs et les avait aidés à partir par un autre chemin. En effet, comme le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Chapitre 3. Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous, les enseignants, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Nous commettons tous des erreurs de beaucoup de manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser aussi tout son corps. Nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. Ou bien, pensez au navire. Quoiqu'il soit très grand et que des vents violents les poussent, ils sont dirigés par un très petit gouvernail et vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une toute petite partie du corps, mais elle peut se vanter de grandes choses. Pensez à la grande forêt qu'un petit feu suffit à mettre en flamme. La langue est comme un feu. Elle est un monde de mal qui a sa place dans notre corps et infecte notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence du feu qui lui vient de l'enfer même. L'homme est capable de dompter toute espèce de bête sauvage, d'oiseaux, de reptiles et de poissons, et il les a domptés. Mais aucun homme n'a jamais pu dompter la langue. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour remercier le Seigneur notre Père, mais aussi pour maudire les hommes que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de reconnaissance et de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Un figuier, mes frères, ne peut pas produire des olives. Une vigne ne peut pas produire des figues. De même, l'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'intelligent? Qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne vous vantez pas et ne mentez pas en niant la vérité. Une telle sagesse ne descend pas du ciel. Elle appartient à ce monde et à la nature humaine. Elle vient du diable. Car là où se trouvent la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi du désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et bienveillante. Elle est pleine de bonté et produit des œuvres bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix et le fruit qu'ils récoltent, c'est une vie juste. Chapitre 4. D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? Elles viennent de vos passions qui combattent sans cesse dans vos corps. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir, et alors vous êtes prêts à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Et alors vous avez des querelles et des luttes. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vos intentions sont mauvaises. Ce que vous demandez, vous voulez l'utiliser pour vos propres plaisirs. Infidèle que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ne pensez pas que ce soit pour rien que l'Écriture déclare « Dieu réclame avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous ». Cependant, Dieu nous accorde une grâce plus grande encore, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hypocrites. Soyez dans la tristesse, pleurez et lamentez-vous. Changez votre rire en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Frères, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal de son frère ou qui le juge, dit du mal de la loi et la juge. Or, si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui obéit à la loi, mais celui qui la juge. C'est Dieu seul qui donne la loi et qui est juge. Lui seul peut à la fois sauver et détruire. Pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain? Écoutez-moi maintenant, vous qui dites, « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. » Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît un instant et disparaît ensuite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant vous êtes orgueilleux et vous vous vantez. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Ainsi, celui qui connaît le bien qu'il devrait faire et ne le fait pas, se rend coupable de péché. Chapitre 5. Et maintenant, écoutez-moi, vous les riches. Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont couverts de rouille. Cette rouille sera un témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses dans ces jours qui sont les derniers. Vous n'avez pas payé le salaire des ouvriers qui travaillent dans vos champs. Écoutez leurs plaintes. Les cris de ceux qui rentrent vos récoltes sont parvenus jusqu'aux oreilles de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Vous avez vécu sur la terre dans le luxe et les plaisirs. Vous vous êtes engraissé pour le jour de la boucherie. Vous avez condamné et mis à mort l'innocent et il ne vous résiste pas. Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il patiente jusqu'à ce que les pluies d'automne et de printemps soient tombées. Prenez patience, vous aussi. Soyez plein de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que Dieu ne vous juge pas. Le juge est proche, il est prêt à entrer. Frères, souvenez-vous des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez-les comme modèle de patience fidèle dans la souffrance. Nous les déclarons heureux parce qu'ils ont tenu bon. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin, car le Seigneur est plein de pitié et de bonté. Surtout, mes frères, ne faites pas de serment. N'en faites ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre façon. Dites simplement oui quand c'est oui, et non quand c'est non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Ceux-ci prieront pour lui et verseront de l'huile sur lui au nom du Seigneur. Cette prière, faite avec foi, sauvera le malade, le Seigneur lui rendra la santé et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente de l'homme juste a une grande efficacité. Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit ses récoltes. Mes frères, si l'un de vous s'est éloigné de la vérité et qu'un autre l'y ramène, rappelez-vous ceci. Celui qui ramène un pécheur du mauvais chemin où il se trouve sauvera de la mort l'âme de ce pécheur et fera qu'un grand nombre de péchés seront pardonnés.